كما تعلمون s'ils n'ont pas leur diplôme, فربما بعضهم يبكي, ربما بعضهم ça va plus loin. فما بالك بهذا الامتحان في القبر ويوم القيامة. ما بالك. أما le diplôme, si tu l'as passé, بل la plupart de ces diplômes الآن دنيوي فيها مضر, أي un ضرر أكبر من النفع, c'est une fitna. لكن ما بالك يوم القيامة et في القبر t'as pas réussi الامتحان. أين المفر؟ Le diplôme, même ceux qui les manquent, ils peuvent le repasser. Ils refont une année, ils le repassent. Amma al-dunya la. Amma al-akhira la. Fariqum fil jannah wa fariqum fil sa'ir. Fahdhar akhi al-karim min hadhihi al-fitna. Fa fi hadha al-asr, cette époque où convient kathirun min al-nas ghatarru. Lianna abwab al-dunya futihat jiddan. Et il y a beaucoup de fitan. Fitnat al-mal. Fitnat al-nisa. Beaucoup de fitan. Parce que si tu ne fais pas attention et tu suis la vague, فربما تهلك. قال يحيى بن معاذ ورحمة الله عليه من أئمة السلف إلى comparer cette الدنيا كخمر الشيطان. C'est comme l'alcool de Iblis. فربما tu tombes dans cette chose, tu deviens comme un sécrène dans cette fitna. Et tu te réveilles في قبرك. Tu te réveilles في قبرك. لكن في القبر c'est خطأ. فالحذر الحذر. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه النافع عدة الصابرين قال واللعب واللهو لا حقيقة لهما. أي on revient au verset. الله سبحانه وتعالى il a qualifié cette dunya de لعب واللهو. أي c'est comme un jeu, c'est une distraction فقط, c'est pas une chose qui dure. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه قال واللعب واللهو لا حقيقة لهما. صحيح, c'est pas une chose qui dure أبدا. قال وأنهما مشغلة للنفس. Ça t'occupe. كم من الناس الآن بسبب هذه الفتنة, فتنة الدنيا, بسبب المال, بسبب شكل ناس فتنة والعياذ بالله. فربما بعضهم لا يصلي, ربما ربما يفي الصلاة لكن يغطخب لسواق, ربما بعضهم ils ont les moyens de faire الحج لكن il a plus le temps. حتى بعضهم صيام الآن qu'on fait هذا الشهر المبارك, ربما à cause de cette فتنة, فتنة الدنيا, ربما il le fait plus. Tout ça مشغلة للنفس. قال رحمة الله عليه قال مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب ضائعا في غير شيء. صدق رحمة الله عليه. قال يقطع بها الجاهلون العمر. حتى بعضهم والعياذ بالله يقولون il faut qu'on tue le temps. حتى في رمضان تسمع من هذا الكلام il faut qu'on tue le temps jusqu'au مغرب. كأن الصيام يبلو دبت. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف تبقى تشوي لطن أبدا, بل سأولى كسي لطن كي تتشو اي تشو غغرت يوم لا ينفع الندم. قال ابن القيم رحمة الله عليه يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب ضائعا في غير شيء. ربما il a vécu 30 ans 40 ans في غير شيء. Il a fait Obama du sport, il a travaillé, Obama il s'est marié. Lakin, al-haqiqa et le but, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tout ça, sifr, il se retrouve fi qabri et yawm al-qiyama, il a rien de cela. A cause de quoi? De cette fitna. وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. فَهَذِهِ الدُّنْيَا, comme on a dit, on répète, c'est mazra'a, c'est une mazra'a pour l'akhira. Fa-profites-en, akhi al-karim. اجتهد لا يذهب عمرك في أشياء تافهة في الضياع. دي شوز لا تنفع. قال الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الكهف يتسيت سمثا أن هذه الدنيا سي الله سبحانه وتعالى لا كمباري أدلو كما إن أنزلناه من السماء. الإمام القرطبي رحمة الله عليه أفاد في تفسيره قال قالت الحكماء إنما شبه تعالى الدنيا بالمال أن المال لا يستقر في موضع. الله سبحانه وتعالى يكون بارس الدنيا أدل كدس من السماء لأن المال لا يستقر في موضع. صحيح الماء يغس با دون بلاس بل سي تخوف فرجة يتخوف ان باساج. L'eau, directement, elle va dans ce passage. Hakada dunya. Hakada. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu n'en as plus. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain, tu es malade. Aujourd'hui, tu es vivant, demain, tu es fi qabrik. Qala, rahmatullah alayhi, ay l'imam al-Qurtubi, qal wa kadhalika dunya la tabqa ala halin wahid. Abadan. Abadan. Dar,

c'est mieux que ad-dunya et tout ce qu'il y a fait de dunya. Fa'amal lil-akhira. Si tu veux réussir, akhi al-karim, si tu veux faire partie de ha'oula ahl al-fawz, ahl al-jannah, tout ça, c'est ahadith, il faut al-amal. Il faut al-amal. Il y en a, on espère tous. On espère tous à hada. Lakin, il faut al-amal. Et il faut faire attention à cette fitna. Il y en a, cette fitna, elle mettra un rempart entre toi et l'amal. Tu oublies rad-dikr. Ou l'ayadu billah, pardon, ils oublient salat. Pardon, ils oublient, hatta al-iman, ils pensent plus. Ils pensent plus, ils oublient. Hatta shahada, il la dit plus. Pourquoi? Il y en a, cette fitna. Cette fitna. Son cœur, c'est comme un récipient. Talamoun, le cœur, c'est comme un récipient. S'il n'est pas rempli bil khayr, il sera rempli bil shar. Enfin, ce cœur, il est rempli bil dunya. Le sport, tomma le travail, tomma les amis, tomma il doit se promener, tomma les vacances, tomma. Il n'y a plus aucune place pour din. Il n'y a plus aucune place. Wal'iyadu billah. Fanahnu nahvar min hada. Et on conseille les gens qui sont autour de nous, khasatan nos proches. On conseille. Fa al-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Nahnu on désespère pas abadan. Même si la situation elle est grave, elle est critique, laquelle on ne désespère pas, abadan, on montre. Et Inch'Allah, celui qui appelle, qui montre, bi'ilm, wa bi'hikma, wa bi'rif, Inch'Allah, il y aura des fruits. Il y aura des fruits. Qala sallallahu alayhi wa sallam, on cite un autre hadith, raka'ata as-subh khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Tous ces hadiths, nous les cite pour vous montrer que cette dunya, en fait, elle vaut rien. Elle vaut rien عند Allah. Elle vaut rien عند الصالحين. Rak'ata al-subh. Al-an, ta'ammalou, on ne parle pas des salat al-fajr. Ou ba'dhoum, il l'appelle al-subh obligatoire. Là, on parle rak'ata al-subh. Et les deux rak'at, al-nawafil, qui sont juste avant la salat al-subh obligatoire. Et entre l'adhan et l'iqama. Ces deux rak'at. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. فما بالك للصلاه obligatoire ما بالك التوحيد ما بالك tous ces efforts que tu fais les nahar. يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ويوم يحشرهم اي le jour où les êtres humains ils seront ressuscités كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. C'est comme si ils ont vécu qu'une heure, faqat, aïe, dans cette dunya. Enfin, pourquoi perdre notre akhira pour ce mata' qalil, kama wasafahu Allah Azza wa Jal. Wa yawma ya'addu al-zalimu ala yadayh, yaqulu ya laytani takhattu ma'al rasuli sabila. Kadhalik, yawma al-qiyama, ba'duhum, ils vont regretter jiddan d'avoir délaissé ad-din, d'avoir pas fait des efforts. Bel, الدنيا فقط قال عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه الله il l'appelait ظالم injuste envers lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé pour un but précis et il n'a pas rempli ce but, c'est de l'injustice. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, il a donné aucune part à l'ibada. الدنيا فقط هذا يوم القيامة يعض على يديه, il va se mordre les doigts. لكن لا ينفع نحن نسيت. Et on se rappelle à nous-mêmes et à nos frères ces hadiths et ces versets pour qu'on se remette en question al-an. Amma yawm al-qiyamah hadha la yanfa. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. Ay, ils suivaient pas sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, ils suivaient autre. Ceux qui suivent la sunna, ils sont trop durs. Ceux qui suivent la sunna, comme on entend l'an, c'est des fondamentalistes, c'est des radicalistes, c'est des. Na'am. Yawm al-qiyamah, il va regretter de ne pas avoir suivi Ahaoula, Ahl Sunnah, ceux qui suivent Rasul sallallahu alayhi wa sallam haqqan. Tout ça, c'est quoi qui a été l'obstacle hein, entre cette personne et A'mal al-akhira, c'est al-dunya. Fahadhar akhi al-karim. Al-yawm amalun wala hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Aujourd'hui, t'as encore le temps, t'as encore un espoir. Bel, tu dois faire des amal. Et tu ne rends pas de compte. Pour l'instant. Hadi dar ad-dunya, tu ne rends pas de compte. Tu fais des amal. Amma yawm al-qiyama ba'd al-maut, hisabun wala amal. Il n'y a plus d'amal. Les regrets, c'est d'aucune utilité. Les regrets, c'est utile. Al-an. Fanahnu al-an, si on a fait des choses mauvaises, si on a délaissé des obligations, si on a du taqsir dans des ibadat, ou fil ilm ou autre, on se remet en question et on fait des efforts. Incha'Allah, ces regrets, c'est utile. Amma ba'd al-maut, fa c'est d'aucune utilité. Wallahu al-musta'an. Wa'lam, akhi al-karim, anna man kana ihtimamuhu bid-din wal-akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala yubarik lahu fi malihi wa rizqih wa in kana qalilan. Celui, son objectif, c'est ad-din, c'est l'akhira. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui met de la baraka. Wa al-baraka, c'est le khayr. Walaw il a peu, walaw il travaille moins qu'un autre, walaw ses revenus ils sont moins qu'un autre, il a le baraka. Foulan il mange, toi tu manges. Fa al-haqiqa, c'est cette dunya. Ashab al-amwal, al-ta'ila, al-aghniya, il mange. Pourquoi il mange plus, il mange des choses que tu n'as jamais goûtées. Lakin, il mange, yashba, et toi tu manges, tashba. Il va au WC, tu vas au WC. Hada. Bel anta Allah subhanahu wa ta'ala yubarik lak. Bel, si tu es min as-salihin wa min ahli l'ihtisab, tu manges et tu es ma'jour. Lianna, dès que tu manges, tu reconnais que c'est une ni'ma, min ni'amillah subhanahu wa ta'ala, et tu fais des efforts dans ton din. Tu es récompensé, tu manges. Tu dors, tu es récompensé si tu as cette niya. Wa hakada. Qala. Allah subhanahu wa ta'ala, bel tu'athirun al-hayat al-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Non, la mouchkila, c'est que بعض الناس, ils ont délaissé هذا. Bel tu'athirun al-hayat al-dunya, et vous faites passer al-dunya avant. Alors que al-akhiratu khayrun wa abqa. Wa qala azza wa jala, alladhina attakhadu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathum al-hayat al-dunya, fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihum hadha, wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ta'ammal al-aya, akhi al-karim, alladhina attakhadu dinahum lahwan wa la'iban. Ils sont pas sérieux dans leur din, bel ils font passer al-dunya avant. Na'am, il fait salat une semaine, thumma idelis. Pourquoi? C'est quoi la cause? C'est al-dunya. C'est qu'il est occupé, sa dunya lui prend trop de place. Son cœur, son iman, il est da'if, enfin, il n'arrive plus à appliquer ces choses. Qui sont très simples pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. Alladhina attakhadu dinahum lahwan wa la'iban, bal ba'duhum min katrat, tellement qu'ils sont fait de dunya, ils arrivent à un point, ils se moquent du din. Comme c'est le cas de certains qui font ce qu'ils appellent de l'humour. Annahum, ils ont atteint un niveau, fait de dunya, fait de mal. Et tassalut al-kuffar alayhim, annahum l'an yat'anouna fi d-din. Et ils se moquent du din. Qala azza wa jal, qala wa gharratum al-hayat al-dunya. Naam yagtarru. Ka annahum, ils auront plus de compte à rendre. Ka annahum, ils vont vivre et ils vont mourir et ça s'arrête là. Gharratum al-hayat al-dunya. Ils ont oublié l'akhira. Qala azza wa jal, fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihum hadha. Allah subhanahu wa ta'ala, ils les délaissent. Comme ils ont délaissé le din, comme ils se sont écartés, comme ils ont fait passer le dunya avant l'akhira, Allah il les délaisse, il ne les guide plus. Falihada, hada sinf, qui se moque, qui n'aime pas le din, ou alors tu le conseilles, abadan, il comprend. Léan Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a délaissé et il l'a écarté. Na'oudou billah, mina al-dhalal wal-inhiraf. Fahadi dunya, ikhwani fillah, mata'u al-ghurur. Falhadar, الحذر من الاغترار بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يجور عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم. يجور c'est pas la pauvreté que je crains pour vous. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبارل سا أمة والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. Ben le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a craint pour nous, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les portes de la dunya elles s'ouvrent. Man faqru akhsha alaykum walakinni akhsha an tubsat alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Ay le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur pour nous que les portes de dunya elles s'ouvrent. Tout le monde fait pas attention et on tombe dans cette fitna. Qala fatanafasuha kama tanafasuha. Ay ceux qui étaient avant nous, ay on fera des efforts que fit dunya, comme ceux qui étaient avant nous. Ils ont fait des efforts fi dunya, ils ont délaissé l'akhirah. Qala Isa salam wa tuhlikukum kama ahlakatuhum. La cause de ceux qui étaient avant nous, ils ont péri à cause de dunya. Et nous, si on ne fait pas attention, c'est la même chose. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiyata wa salam. Et si tu viens à regarder l'an, waqi' al-umma, fa kathir min al-muslimin, ils sont fi hadhi al-fitna. Et ils ont oublié l'akhira. Fa la taghtar. La taghtar kadhalik bil-kuffar. Wa bi amwal al-kuffar. Wa bi dunyahum. Fa wallahi, alladhi la ilaha illa hu, annaha sin fitna. Fitna alayhim. لكن لا يعلمون قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل الله سبحانه وتعالى الخالق celui qui a créé le musulman le kafir celui qui a créé جميع الخلق عليه الصلاة والسلام يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ne sois pas étonné لا تغتر tu les envies تقلب الذين كفروا في البلاد أي leur dunya, leurs enfants, al-amwal, ils ont la paix, ils ont la sécurité, ils ont la tartar. Qala azza wa jal mata'un qalil. Ça mata' il est qalil. Qala azza wa jal thumma ma'wahum jahannam wa bi'sa al-mihat. Pense à l'arrivée anta. Regarde pas la situation actuelle faqat. Là, ça c'est une histoire de quelques années faqat. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala yukhbir anna ha'ula al-kuffar simaw 'ala al-kufr. فمأواهم جهنم وبئس المهاد. Quel mauvais refuge, النار. C'est pas comme une épreuve de dunya. T'es malade, tu patientes, ça passe. T'as de la pauvreté, tu fais quelques efforts, t'as de l'argent. T'as pas mangé aujourd'hui, tu mangeras demain. النار là. خاصةً pour le kafir, c'est éternellement, ça s'arrête jamais. فلهذا قال عز وجل وبئس المهاد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فلا تغتر بالكفار si cette dunya عند الله elle aurait de la valeur ne serait-ce que le poids de l'aile d'un moustique et c'est un mythal عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم si tu viens à peser l'aile d'un moustique ça pèse rien du tout في الحقيقة فالدنيا pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme ça بل قال ما سقى كافرا منها شربة ماء si cette dunya elle aurait la valeur ne serait-ce que le poids de l'aile d'un moustique Allah subhanahu wa ta'ala il aurait pas donné une gorgée d'eau au kafir فلا تغتر فتous ces amwal qu'ils ont l'âme et l'âme qu'ils ont etc ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala il les aime أبدا بل Allah subhanahu wa ta'ala يبغض الكفار et ça veut pas dire qu'ils sont à la حق أبدا c'est une fitna والله si cette dunya elle vaudrait, عند الله عز وجل, quelque chose, al-kuffar, ils n'auraient pas tout ce matin. وقال عليه الصلاة والسلام, كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة, الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فأخي الكريم, t'es fi sijn. أي, ce qui t'attend في الآخرة, في الجنة, بإذن الله عز وجل, بإذن الله, أن c'est أعظم, c'est l'éternité, c'est دار القرار, الجنة. Enfin, c'est pour ça que cette dunya, pour toi, c'est comme alors que walillahi alhamd t'es fiqhir tu manges tu bois ta'budullah azza wa jal t'es fiqhir inshallah fi dunya et al khair fi l'akhira il est a'zam et al kafir c'est ça sa jannah l'an ce qui vit l'an c'est le jannah pour lui et ce qui l'attend c'est achat al nar wal ayyadu billah fa ba'd al muslimin lil asaf yagtarruna bima inda al kuffar hatta ba'dhum tu les entends khasatan si tu t'accroches à ton din et tu fais des sacrifices pour ton din, pas par peur de foulan, ou parce que t'es fainéant, ou abadan, tu fais des sacrifices pour ton din, et tu délaisses des choses pour ton din. فبعضهم ربما من المسلمين ربما t'es proche, ربما ils glissent une kalima. ربما regarde les kuffars, ils ont fait, et regarde toi où que t'es. لا تغتر, toi t'espères رضا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون تأمل الآية فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نعم ne sois pas attiré par ces choses قال إنما يريد الله ليعذبهم بها c'est une fitna et c'est la cause qui tomberont dans l'adab في الدنيا قبل الآخرة قال في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم أي ils vont être occupés par cette dunya c'est une fitna Allah les a éprouvés بها قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون quand l'âme leur sera retirée par l'ange de la mort ils seront tellement occupés par le dunya qu'ils n'ont pas le temps de faire tawbah. Ils n'ont pas le temps de suivre al-haq wal-iyadu billah. Et ils meurent à la hadha al-kufr. Fallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yuhib ibadahu al-mu'minin. Wa qad ikhtara lahum al-akhira. Eh na'am, Allah subhanahu wa ta'ala yuhib al-mu'min. Et il a choisi pour le mu'min al-akhira. C'est pour ça que si tu regardes l'an, al-kuffar ils ont beaucoup plus al-amti'a ou tout ce qui est les bienfaits de ce bas monde, ils ont beaucoup plus que le muslimin. Lakin nahnu, en fait, ça nous intéresse pas, c'est une fitna. Nahnu, ce qu'on espère, c'est al-jannah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahliha. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنعا وقنعا. Ça c'est muhim كذلك ان المسلم يتعلم القناعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال طوبى, طوبى اي شجره في الجنه. قال طوبى لمن هدي الى الاسلام, c'est اكبر نعمه. قال وكان عيشه كفافا وقنعا. نعم عيشه كفافا, il vit avec ce qui lui suffit. فلهذا احذر de الفضول في الدنيا et التوسع, لان si tu veux dépasser les limites مثلا في الاكل والشرب etc, ça te prendra du temps. Et le temps c'est ni'ma, ni'matan maghbunun fihima kathir min al-nas, الصحة والفراغ. Et si tu perds ton temps, tu feras des sacrifices sur ton dîn, sur des ibadat, وهكذا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous montre ان المسلم يتعلم يقنع. الحمد لله, tu manges, tu bois, tu as où dormir. Fais des efforts dans l'ilm. Fais des efforts في العبادة. Fais des efforts في ما ينفع في الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Bien sûr. Tant que c'est halal, tant que tu ne dépasses pas les limites. فالحمد لله. أما الذي لم يرزقه الله سبحانه وتعالى القناعة فلا يشبع. C'est pour ça que le mu'min يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه القناعة. Ça c'est un dua tayyib. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne al-qana'a. Al-qana'a, c'est que tu te suffis du peu. Taqna'a. Amma alladhi la yaqna'a fala yashba'a. An Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal law anna l'ibn Adam wadiyayn min mal wa fi hadith Zayd ibn Arqam min dhahab wa fidda qal la ahabba an yakun ma'ahuma thalath. Si l'être humain, il aurait, ta'ammal al-mithal, wadiyan, al-wad ma'rouf, ma'rouf, un fleuve. S'il en aurait deux, min dhahab, ou min mal, ou min fidda, il voudrait un troisième. Hakada l'être humain. Celui qui s'apprend pas à il apprend pas à yumsik nafsa, al-qana'a, et yashtahid, il ouvre les portes, il sera hakada. Et tu le vois de nos jours, al-an, ba'dhum, ils ont des vêtements tayyib, il veut autre chose. Il a un téléphone tayyib, il veut un autre. Hakada. Hatta son temps, c'est fi hadhihi al-fitan. Et s'il perd du temps dans ces choses-là, la shakannahu, il laissera passer des ibadat. Il y en a 24 heures, c'est 24 heures. Si elles ne sont pas passées fi at-ta'a wal-ibada et tu ne fais pas attention, elles seront gaspillées fi ma la yanfa, bal yadhur. وقال عليه الصلاة والسلام لا أحب أن يكون معهما ثالث ولا يملى نفسه إلا التراب. تأملوا ولا يملى نفسه إلا التراب. Malgré que tu veux manger les dernières choses qui sont sorties, les derniers vêtements, les derniers téléphones, etc., tu finiras في التراب. Tous, le riche, le pauvre, tous, celui qui gouverne, celui qui est gouverné, l'homme, femme, tout le monde se retrouvera تحت الأرض. ولا يملى بطنك إلا التراب. قال عليه الصلاة والسلام ويتوب الله على من تاب. L'importance de tawbah. Celui qui reconnaît, qui sait qu'il fait des fautes, يتوب إلى الله. Tant que t'es vivant, c'est une force. تتوب إلى الله عز وجل. Et on est tous des êtres humains, on a tous des faiblesses. الإيمان كما تعلمون عقيدة أهل السنة يزيد وينقص. Tout le monde a ses faiblesses, il glisse dans certaines choses. لكن دائما on se reprend. دائماً on fait des efforts, دائماً التوبة. Et on fait attention à cette fitna, on sait que c'est une fitna. قال عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. On fait des efforts avant cette étape, القبر. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ألهاكم التكاثر, أي vous êtes distrait par التكاثر, أي toujours plus. كما جاء في الحديث, il a deux fleuves, il faut méditer vers le hadith. Tu sais c'est quoi un fleuve min dhahab?